Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la nuit de cristal du 9 au 10 novembre 1938. Je suis retourné dans notre appartement. Il y avait plein de débris de verre. C'est la première fois que j'ai entendu le terme « nuit de cristal ». Ce terme de « nuit de cristal » qu'évoque ici Georges-Stéphane Troller fait référence aux débris de verre de toutes ces fenêtres, de toutes ces vitrines qui seront fracassées dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938 en Allemagne et en Autriche. La nuit de cristal compte parmi les très nombreuses horreurs que les nazis feront vivre aux Juifs, mais cette nuit surtout annonce tout ce qui suivra et marque en quelque sorte le démarrage de cette diabolique machine à broyer les Juifs que le régime nazi va mettre en place durant la Seconde Guerre mondiale. La nuit, casser les commerces, casser, voler ce qu'il y avait dedans. Ils ne devaient pas voler, mais ils ont bien volé quand même. Hein. Les commerçants, ils ont tout cassé la nuit. Et je connais aussi des familles juives qui n'avaient plus de commerce, qu'ils avaient abandonné, où ils sont venus aussi la nuit casser des meubles et la vaisselle. Ils ont mis le feu à la synagogue aussi, il y avait une synagogue, qu'ils ont éteint assez vite parce que cette synagogue était un bâtiment au milieu d'autres bâtiments. Laisser brûler toute la rue et les habitations des Allemands. Il n'en était pas question, évidemment. Et les gens s'en rendaient compte après la nuit de cristal que vraiment ça allait plus, que c'était plus une question d'avoir du travail, pas avoir du travail, que ça allait plus loin parce qu'ils ont assassiné quand même plusieurs dizaines de personnes pendant cette nuit de cristal. Ils ont arrêté tout le monde, que ça devenait très grave. Anna Klopstock, à propos de la nuit de cristal, en entrevue à l'AFP en 2011. Pour nous parler de cette nuit de cristal, l'historien, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire, André Champagne. André Champagne, bonjour. Bonjour, Jacques Beauchamp. Déjà, avec ce témoignage d'Anna Klopstock, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe cette nuit-là. De quelle manière la nuit de cristal, André Champagne, est annonciatrice de ce qui suivra? C'est un point tournant. C'est un signal clair envoyé par le régime nazi à la communauté juive. Quitter l'Allemagne. Depuis qu'Hitler est chancelier en janvier 1933, il n'a jamais caché son intention de rendre l'Allemagne libre de juifs, c'est-à-dire judenfrei. Il voulait chasser les juifs d'Allemagne. Cependant, étant donné le contexte de crise économique, étant donné la difficulté d'obtenir des visas pour quitter le pays, d'obtenir un pays d'accueil, étant donné que les juifs devaient laisser leurs biens matériels, ils pouvaient peut-être transférer une partie de leurs finances, de leurs avoirs, mais les maisons, les propriétés, les usines, les manufactures, les commerces, ça, ils ne pouvaient pas quitter avec. Ouais. Conséquemment, les trois quarts des Juifs allemands étaient encore présents en Allemagne en novembre 1938. Et cette nuit-là, c'est un signal très fort, peut-être un déclencheur, on pourrait y revenir, sur tout ce qui va suivre dans la marche. On vient de franchir un nouveau pas, au fond, dans cette marche contre les Juifs. Cette nuit de cristal, on l'a évoqué rapidement, là, c'est le terme, évidemment, c'est une référence à ces bris de verre qui est là. Exactement. Cette nuit-là. C'est les nazis. C'est l'humour nazi, l'humour noir nazi. Pourquoi? Vous l'avez dit, bris de verre. Tous les commerces, les vitrines de tous les commerces sont tout simplement volent en éclats, de même que les vitres des synagogues. Les synagogues qui seront systématiquement pillés avant d'être incendiés. Ouais. Mais la nuit de cristal, c'est tout simplement ces amas de verre des devantures de commerce. Et le point de départ de cette nuit de cristal, André Champagne, nous amène à Paris. Mes chers parents, je n'ai pu faire autrement. Dieu doit me pardonner. Le cœur me saigne lorsque je pense à notre tragédie. Je dois agir de sorte que le monde entier entende ma protestation. Et cela, je vais le faire. Herschel. Pour se donner du courage, Herschel ajoute en hébreu, avec l'aide de Dieu. Monsieur Greenspan, quelqu'un va vous recevoir. Extrait du film « Livrez-nous, Greenspan », réalisé par Joël Calmette en 2007. Que se passe-t-il à Paris, André Champagne, le 7 novembre 1938? C'est un jeune réfugié juif polonais qui est âgé de 17 ans. Herzl Greenspan, qui veut tout simplement témoigner du sort réservé aux Juifs polonais réfugiés en Allemagne après la Première Guerre mondiale, qui sont, en l'espace d'une nuit, retournés de force, expulsés d'Allemagne vers la Pologne, vers un destin incertain. Et parmi eux, ses parents. Ouais. Alors, en guise de protestation, étant donné que lui, il est déjà réfugié juif à Paris, il décide tout simplement de marquer un coup en se rendant à l'ambassade allemande à Paris et de rencontrer un membre du personnel diplomatique, en l'occurrence, ce secrétaire d'ambassade, Ernst von Rath, qui l'abat de quelques coups de fusil. Et ça, c'est le point de départ de ce qui suivra. Ça va créer la colère de la population, peut-être, on verra, c'est une grande question, du régime, en tout cas, très certainement. Dans quelle mesure, donc, cette affaire va déboucher sur un mouvement spontané du peuple allemand qui veut protester contre cet assassinat, ou dans quelle mesure c'est téléguidé par le régime lui-même? On écoute deux historiens à ce propos, Jan Kershaw et Elke Fröhlich, qui en parlent dans le documentaire « La nuit de cristal jusqu'au dernier jour », réalisé par William Carell et Blanche Finger en 2015. Goebbels écrit dans son journal qu'ils se rendaient tous à un meeting à Munich, ce soir du 9 novembre 1938. C'est là qu'ils ont appris que von Rath, un conseiller de l'ambassade d'Allemagne à Paris, venait d'être abattu par un jeune juif du nom de Herschel Greenspan. Goebbels réagit violemment à l'arrestation de Herschel Greenspan. Il y voit une occasion parfaite pour déclencher une action. Contrairement à son habitude, Hitler quitta la réunion sans prononcer de discours. Il déclara seulement « Il faut laisser le champ libre à la population ». Cette prétendue explosion spontanée de la colère du peuple a pour but de terroriser les populations juives. Goebbels a demandé à Hitler « Est-ce qu'on laisse les manifestations prendre de l'ampleur ?» En fait, il s'agissait de pogroms qui avaient commencé à éclater un peu partout. Et Hitler a dit « Oui, laissez ces manifestations continuer. » C'est intéressant, cet extrait-là, André Champagne, ça pose la grande question de la responsabilité. Il y a des Allemands qui vont, puis on va y revenir dans un instant, à ce que ça a été concrètement cette nuit de cristal. Il y a des Allemands qui vont fracasser les vitrines, mais il y a cette réunion à Munich. Il y a cette volonté du régime de laisser faire. Dans quelle mesure, au fond, qu'est-ce qui se passe ce soir-là à Munich? Dans quelle mesure c'est une opération téléguidée par le régime ou un geste de la population? C'est un peu des deux. Il y a une part de spontanéité, mais il y a une part d'organisation également, puis ça on le sait, par ce qu'on a appelé le télétype Müller, c'est-à-dire un ordre rédigé par un haut placé de la Gestapo, en l'occurrence Müller, qui donne des ordres aux différents responsables SS et SA, qui dit « Donnez libre cours à votre colère, prenez-en vous aux Juifs, comme ça avait été probablement prévu d'avance. » Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que chaque année, autour du 8 novembre, on commémorait le putsch raté de 1923, putsch qui s'était déroulé le 8 novembre et qui faisait partie, si vous voulez, de la symbolique nazie, de l'historique du régime nazi. Et chaque année, les hauts dirigeants du parti se réunissaient à Munich dans cette brasserie où Hitler avait tenté justement de réaliser ce que Mussolini avait fait l'année précédente. Ouais. Avec sa marche sur Rome, tentative qui avait échoué lamentablement, mais qu'il avait récupéré lors de son procès et qui lui avait permis d'être enfermé puis de rédiger Mein Kampf. Donc, à chaque année, les dignitaires nazis se réunissaient là et l'assassinat survient à ce moment-là. Donc, évidemment, on profite tout simplement des circonstances pour envoyer ce message à la communauté juive allemande. Vous devez quitter le pays. Il y a tout un contexte qui s'y prête. Faut avoir à l'esprit qu'en mars 1938, le régime nazi a annexé l'Autriche. En septembre 1938, les démocraties, la France et la Grande-Bretagne ont capitulé à la conférence de Munich, ont cédé aux revendications d'Hitler qui réclamait la région des Sudètes en Tchécoslovaquie, il faut avoir aussi également à l'esprit qu'à l'été de 1938, à la demande du président américain Franklin Delano Roosevelt, s'était tenue une conférence internationale à Évian, en France, mm-hmm. pour discuter d'une politique à adopter face aux réfugiés juifs allemands et autrichiens. Et au terme de cette conférence-là, qui avait réuni près de 35 pays, les journalistes présents avaient réalisé qu'il y avait visiblement un problème d'accueil, c'est-à-dire que la grande majorité des pays n'en voulaient pas. Prenons par exemple le cas du Canada. Le Canada n'accueillera que 4000 réfugiés juifs allemands entre 1933 et 1938. Le représentant du président Roosevelt à la conférence des Biens, Hume Wrong, aura comme directive d'écouter et d'en dire le moins possible. Les Américains n'accepteront que de prendre à peu près 120 000 réfugiés juifs allemands chaque année, ce qui est très peu compte tenu des capacités d'accueil des États-Unis. Donc, un climat ambiant où vraiment, au premier chef en Allemagne, il ne fait pas bon être juif, mais pas du tout. Mais ailleurs, on n'en veut pas non plus. On n'en veut pas non plus. Regardez, je vais vous donner des chiffres, par exemple. L'Argentine, elle, avait accepté d'en prendre 22 000 par année. L'Australie, 10 000, le Brésil 20 000, la Palestine, les Britanniques en accepteraient 100 000 en Palestine, mais sur une période de 5 ans. La Grande-Bretagne 85 000, les États-Unis 140 000. La Chine en a pris 15 000. Oui. Mais c'est clair qu'on n'en veut pas. C'est tellement vrai qu'on veut faire le moins possible pour les réfugiés juifs allemands et autrichiens, qu'au lendemain de la conférence d'Évian, le journal officiel du parti nazi, le Völkischer Beobachter, titre « Juif à vendre, qui en veut, personne ». Et Hitler dira que la conférence d'Évian démontre qu'il a raison. Revenons donc à cette nuit de cristal. À Munich, tout l'appareil nazi, le haut commandement nazi est là. On aurait pu dire « Attention, mettez fin à ça ». Au contraire, Hitler va dire « Vous laissez faire, vous participez ». Peut-être d'une certaine façon, mais en tout cas, vous laissez faire. Qu'est-ce qui se passe donc cette nuit-là concrètement, André Champagne? Bon, concrètement, c'est très simple. On décide, on attaque toutes les synagogues dans toutes les villes, grandes et moyennes ou petites, d'Allemagne. On parle de 1000 synagogues détruites. Officiellement, c'est 500, mais en réalité, c'est 1000. On attaque tous les commerces juifs. Et les commerces juifs, on les connaît. Pourquoi? Parce que depuis avril 1933, ils doivent avoir l'étoile de David et c'est écrit « Yudé » sur chaque commerce juif. Alors, on sait exactement où ils sont, ces commerces juifs-là. Ouais. Alors, on attaque les commerces, on les paye et on attaque également les demeures des juifs ou encore les appartements où ils vivent. On entre dans leur maison, on fracasse la porte, on pille tout ce qui est à piller, on les violente, on fait la même chose dans les appartements, on les sort dans les rues. Il y a des cas qui ont été cités où on va en pleine nuit, on sort des familles entières et on va forcer des juifs à nettoyer les dalles des rues avec des brosses à dents. Ouais. On va forcer des juifs à couper le gazon avec leurs dents. On fait tout pour les humilier. On oblige des jeunes juifs à couper la barbe des rabbins et ainsi de suite. Tout est entrepris pour les humilier. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est pas uniquement la SA qui participe. C'est une partie de la population et surtout une partie des jeunesses hitlériennes, les Hitlerjugend, qui participent pour une raison très simple. C'est que le régime en est à sa cinquième année. L'endoctrinement, la propagande, le conditionnement a fait son effet. Ouais. Autant en avril 1933, quand Hitler avait ordonné le boycott des commerces juifs pour une journée, ça avait été un échec lamentable. Les Allemands avaient défié l'ordre du régime et s'étaient rendus acheter chez les commerçants juifs pour montrer leur mécontentement. Autant cinq ans plus tard, l'ensemble de la population semble participer et dans une atmosphère malheureusement de fête. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que les pompiers sont mobilisés pour faire en sorte que les habitations des Allemands ariens ne soient pas victimes de ces incendies-là. Donc, on protège les immeubles adjacents, mais tout ce qui est juif, on laisse brûler. Écoutons justement à ce sujet le témoignage de l'historienne allemande Suzanne Heim dans le documentaire « La nuit cristal jusqu'au dernier ». Vous allez voir, elle parle justement de la participation des Allemands à cette nuit de cristal et surtout de leur réaction à cette nuit de cristal. Mon père, qui avait 12 ans, a vu les dégâts du pogrom de novembre dans notre petite commune. Il vivait à l'extérieur, mais le lendemain, il y est allé avec des amis pour voir ce qui s'était passé. Beaucoup de gens regardaient. Très peu ont dit quelque chose. Certains approuvaient ce qui s'était passé et étaient contents que la violence contre les Juifs éclate. Certains y ont même participé. D'autres avaient honte et s'en sont détournés, consternés. Dans les petits villages, on ne demanda pas aux habitants eux-mêmes de saccager et incendier les synagogues. On fit venir des gens des communes voisines. On leur donna à boire de l'alcool pour qu'ils le fassent. Ils n'étaient pas sûrs que les gens feraient ça à leurs propres voisins. Donc c'est intéressant, André Champagne, parce que vous disiez bien sûr que la machine à propagande a fait son œuvre. Il y a une différence entre 33 et 38. Les Allemands ferment plus facilement les yeux, mais en même temps, c'est un tel drame ce qui se produit cette nuit-là. C'est intéressant ce que nous dit cette historienne Suzanne Heim. On fait boire les gens. C'est des petites communautés. Parfois, on demandera pas au voisin de s'attaquer à son voisin, justement, mais on va demander à l'Allemand un peu plus loin. C'est trouble, cette affaire-là. C'est trouble, mais n'oublions pas que c'est un régime qui a pris le pouvoir dans un contexte de violence. Il y avait 500 000 SA. Les SA, c'est des chemises brunes. Ce sont des d'anciens soldats de la Grande Guerre qui avaient développé un goût pour la violence et qui, une fois au pouvoir, pouvaient justement assouvir ce besoin de violence-là. C'était toutes les frustrations accumulées depuis des années. C'était la jalousie, l'envie à l'endroit de la communauté juive et c'était tout le conditionnement idéologique. Et il faut avoir à l'esprit également qu'en 38, le régime est au sommet de sa popularité. Hitler est au... Parce que Hitler, bon, il a résorbé le chômage, il a réarmé l'Allemagne. L'Allemagne est un pays qui compte, l'Allemagne est un pays qui fait peur. L'Allemagne a annexé l'Autriche, le territoire des Sudètes. D'ailleurs, la nuit cristale se déroule en Allemagne, mais aussi en Autriche. Exactement, en Autriche également. Ouais. Donc, il y a tout un contexte qui s'y prête. Et il y a ce vieux fond antisémite qui est présent en Allemagne depuis des décennies, même avant qu'Hitler arrive au pouvoir. L'antisémitisme était très fort, surtout dans les milieux étudiants, dans les milieux universitaires. Le bilan chiffré, si je puis dire, en perte, André Champagne, en perte humaine, en perte matérielle de cette nuit de cristal. C'est entre 500 et 1000 synagogues incendiées. C'est presque 75 % des commerces qui ont été incendiés. Les assurances vont chiffrer les dommages à peu près entre 3 et 5 milliards de marques. Mais tenez-vous bien, ces dommages-là ne seront pas payés aux victimes juives, seront payés au régime. Et on va imputer à la communauté juive la responsabilité de la nuit de cristal. On va imposer à la communauté juive une amende de 1 milliard de marques pour défrayer, pour les faire payer la communauté pour l'assassinat de Von Rath. C'est énorme. Et c'est aussi l'arrestation et l'enfermement dans des camps de 30 000 juifs, particulièrement des notables. Pourquoi s'en prend-on aux notables? C'est parce qu'on sait qu'eux, ils pourront quitter l'Allemagne. Le message qu'on veut envoyer, c'est « Juifs, quittez l'Allemagne ». Parce qu'en fait, ils sont, oui, 30-35 000 Juifs envoyés dans les camps, mais ils y resteront très peu de temps parce qu'on veut vraiment... On les libère pour qu'ils partent. On les libère pour qu'ils partent. Et pourquoi? Parce que soudainement, suite à la nuit de cristal, la France notamment, puis la Grande-Bretagne vont ouvrir, évidemment, leurs portes aux réfugiés. Et il y a 80 000 Juifs qui quitteront l'Allemagne entre la nuit de cristal et le 1er septembre 1939, au moment où l'Allemagne envahit la Pologne. Mais c'est clair que la nuit de cristal, c'est un signal clair du régime de quitter l'Allemagne. Mais j'ajoute que ce n'est pas... qu'à ce moment-là, le régime n'a toujours pas pris la décision d'exterminer les Juifs. Ça, il faudra attendre l'été 1940. Mais on franchit quand même une étape dans cette répression contre les Juifs, cette fameuse nuit, même si la décision sur la solution finale n'est pas encore prise. Et puis, ça va permettre entre guillemets, André Champagne... Il y a vraiment un pas de plus qui est franchi dans cette politique aussi qu'on appelait la politique de l'aryanisation de l'économie, de la société allemande. Il y a plein de mesures qui vont être adoptées tout de suite après la nuit de cristal. Ah, par exemple, je peux vous en lire quelques-unes. Alors, le régime interdit aux Juifs tous les lieux d'agrément public comme les parcs, les jardins, les plages et les stations de vacances. On devait séparer totalement les Juifs du reste de la société. La Chambre de culture du Reich émit un décret proscrivant l'accès au cinéma, théâtre, concerts et expositions juifs. Les municipalités municipalités sont autorisées à leur fermer certains quartiers ou à leur interdire de sortir dans la rue à certaines heures de la journée. Himmler leur retire leur permis de conduire et les papiers d'immatriculation de leur véhicule. Un autre décret applicable à partir du 6 décembre les bannissait des terrains de sport ou de jeux, des bains et des piscines publiques. Un autre décret confirmant que les Juifs ne pourraient plus fréquenter les grands restaurants, les hôtels de luxe, les squares, les rues très passantes et les quartiers résidentiels. Ils étaient également bannis des universités et des instituts d'enseignement supérieur. Et tous les Juifs sont obligés d'avoir, à partir de l'été 1938, d'avoir sur leur carte d'identité le J, le Yudé. Oui. Tous les hommes sont obligés d'ajouter à leur nom Israël. Les femmes sont obligées d'ajouter à leur prénom Sarah. Donc, tout est fait pour vraiment, vraiment permettre leur identification. Déjà, on les avait exclus des universités depuis 1933 de l'enseignement, oui, du domaine des arts. On leur interdit la pratique médicale, on leur interdit et la pratique dentaire, sauf si les patients sont d'autres Juifs. La communauté internationale, par rapport à cette nuit de cristal, comment elle va réagir? Qu'est-ce qui sera publié? Comment vont réagir? C'est l'indignation, l'indignation, c'est la condamnation, c'est la réprobation mondiale, mais assez étonnant, la presse américaine est vraiment est indignée, dénonce avec passion, mais on n'ouvre pas plus les portes, mm-hmm, aux réfugiés. C'est ça qui est vraiment, vraiment étonnant. Le Canada non plus. Comme j'ai dit tantôt, oui, le Canada n'a accueilli que 4 000 réfugiés juifs, allemands et autrichiens entre 1933 et 1935. C'est très peu. Il y a comme, quelque part, il faut le reconnaître, il y avait un antisémitisme ambiant en Europe et en Amérique du Nord à l'époque. Aujourd'hui, André Champagne, qu'est-ce que ça veut dire, cette nuit de cristal, et comment c'est souligné, commémoré en Allemagne? C'est-à-dire qu'à chaque 8e année des décennies, on remémore l'événement. Je me souviens le 50e anniversaire en 1988. Ça avait déclenché toute une prise de conscience. Il y avait eu des expositions, il y avait eu des documentaires. Et on reprend ça, 98, 2008 et ainsi de suite. Là, probablement que d'ici 2 ans, on fera la même chose. Mais le fameux « plus jamais chez nous ». Plus jamais chez nous. Et puis, quand on considère la nuit cristal, quand on considère la politique antisémite du régime nazi, quand on considère l'Holocauste, on peut comprendre la décision de Mme Merkel d'accueillir près d'un million de réfugiés juifs syriens l'an dernier. Mme Merkel, fille de pasteur, qui a des convictions religieuses extrêmement profondes et qui est parfaitement consciente que l'Allemagne, la société allemande, a une dette à payer envers l'histoire. Et cette dette-là, la nuit cristal, est un des jalons qui mène à la Shoah, à cette décision prise par Hitler pendant la campagne de Russie d'organiser ce qu'on a appelé la solution finale de la question juive. Mais la nuit de cristal, c'est un point tournant. André Champagne, historien, ami de l'émission. Merci beaucoup, André. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.